Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit RZA. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. En direct avec RZA. C'est maintenant sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bienvenue, c'est parti pour le Planet Rap avec RZA. Comment ça va pour cette troisième soirée? Bon, ça va au top, toujours au top. En pleine forme? Toujours. Bon, ce soir PSG-Chelsea. Ah, ou plutôt oui. Chelsea-PSG ce soir dans l'ordre. C'est ça. Petit pronostic d'entrée de jeu, RZA. 2-1 pour Paris. 2-1 pour Paris. Très bien, à suivre donc ce soir chez Difool dans la Radio Libre. Ouais. On suivra ça tout à l'heure. Toi, tu joues au foot, tu me disais en plus, toi? Ouais, je joue au foot, ouais. Grand footeux. C'est ça, ouais. Très bien. Saran, dédicace aux gars de Saran. Normalement, ils vont arriver là. Et voilà. Je vois des invités qui s'installent aussi autour de la table. Ouais, tu vas nous les présenter dans un instant. Et juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission avec toi. Écoute, c'était hier soir. En direct sur Skyrock. Trop de mal à faire confiance sans devenir parano. L'amour m'a ouvert ses bras, j'ai fini par prendre un chaos. Toutes meufs dans ma vie ont voulu me passer l'anneau. Direct j'ai pris la fuite, j'ai bloqué des numéros. Mais toi t'es différente, tu contrôles mes faits et gestes. Quand tu me passes c'est fou, j'oublie tout et je suis à l'ouest. Attends je me laisse prendre, j'avoue qu'au fond ça me plaît. Si tu crois on y va, pas du genre à retourner ma veste. Planet Rap. Donc des invités. Alors on commence par qui? Est-ce que tu vas être galant ou t'es pas un mec galant toi? Si, je suis galant bien sûr, en plus c'est, elle est invitée sur mon album. Donc c'est, vrai. C'est Diesel. Hello. Mais écoute, bienvenue Diesel. Non bah merci, ça fait plaisir. Ça va, tu veux donner un petit avis? Est-ce que toi tu as écouté l'album de RZA Love? Bah ouais, j'ai écouté, j'ai kiffé. J'aime bien la petite voix de RZA quand il se met à rapper de temps en temps. Il rappe, il chante en même temps. Ça va, c'est stylé. C'est tout faire, les garçons. Ouais. Mais avant, je sais qu'au fond, on se ressemble. Pas de doute, on est fait pour être ensemble. En vérité, c'est vrai que je t'ai dans la peau. Yes. Si tu vas mal, tu marches, te cache pas que je suis tombé dans le love. Tombé dans le love. Tombé dans le love. Tombé dans le love. Tombé dans le love. Tombé dans le love. Tombé dans le love. Tombé dans le love. Dans le Planet Rap. Et bah bienvenue Diesel, d'autres personnes. Merci. Autour de toi. Exactement, aussi. Exactement, il y a un groupe Transition. Yeah. Chez Justin Records, bah, je vais les laisser se présenter. Hein. Un très bon groupe. Ils ont fait un bon son. Bah, ils ont fait un bon top iTunes là, qui s'appelle la semaine dernière. Bet. C'était hier soir. Planet Rap. En direct sur Skyrock. De soirée, ce soir ça va mettre le feu. Les restes sur Stone, encore mieux que la bœuf. Les racailles en pagaille, la recherche d'un bail. Ou la tête sur la bêtise, même si t'es. Ah. Ça te lève sur la piste. Autant à l'entrée, t'étais pas sur la liste. Ah, t'es pas prêt, mais tu kiffes. Bébé, ce soir on fait la diff. Tu pètes ta tournée, en pensant choper. Les meufs pas ta table, on se voulait litiser. Monétiser, cotéliser. Tu t'es fait plumer aux Champs-Élysées. Ah. Muchacho, plus rien dans tes poches. Et t'as voulu te vaisseau. Ah. Versace, tes lunettes sont dans. Mais t'as rien vu la soirée. T'es bête. Eh hey, toi t'es bête. L'émission rap de référence, Planet Rap. C'est Planet Rap sur Skyrock. Et c'était hier soir dans l'émission avec des invités qui étaient là. Il y avait Diesel Transition. Diesel et Transition. Qu'on écoutait à l'instant ce soir. D'autres invités, tu vas les présenter maintenant Bah ouais, on fait le tour de table maintenant. Bah écoute, alors, on va commencer par les femmes encore une fois. Il faut être galant, tu as raison. Il y a Lilia DS qui vient de Toulouse. Voilà. Avec son mec, son meuf. Exactement. Voilà. On est venu avec le live. Ça va bien, Lilia, en pleine forme? Oui, très bien. Et tout toi? Va bien? Oui, je suis en face, ouais. C'est particulier cette semaine, je suis en face. Bon, tout se passe, t'as chaud? Il fait un petit peu chaud dans le studio, ouais. Tu veux un peu de clim? Non, ça n'hésite pas à demander, hein. Tu demandes à toute l'équipe, on est là pour toi. C'est cool, je te remercie. Et bah, bienvenue dans ce Planet Rap. On va te présenter dans quelques minutes. Tu vas nous la présenter. Elle est présente en effet sur un morceau de l'album, exactement. De l'album, ouais. Et qui était aussi sur la réédition de Paris Oran New York. Hein. Exactement, DJ Kaiz qui, bon. Je sais pas où il est là encore. Il est un peu insaisissable celui-ci. Donc voilà, normalement il va passer. Moi. Et bon, on le retrouvera. Donc Lia est là avec nous. Continuons le tour de table. Et il y a Osin. Osin. Alias Osin la Kalash. Bonsoir tout le monde. Je t'en avais parlé hier. Je t'avais dit, je vais te ramener un gros rappeur d'Orléans. C'est vrai que j'ai connu il y a aussi bien longtemps. Et avec 45 Terroros. Là, on est passé ici. On a fait des freestyles. On a fait pas mal de freestyles. 45 Terroros, c'était ton groupe. Exactement, à l'époque. C'était mon groupe à l'époque. Donc là. Ah. Petit problème de micro. Faut que tu tapotes, regarde derrière, tapote, je te donne un bon petit conseil. Voilà. Là c'est parfait. Ouais, comme je te disais, on m'entend bien là. Ouais, c'est parfait. C'est artisanal, il faut tapoter. Trop violent dans le micro, gros. Il faut tapoter sur le cul du micro. Ouais, y a pas de problème, on va tapoter sur le cul. N'hésite pas à tapoter sur le cul du micro. Comme je te disais, on a fait pas mal de freestyle ici par le biais de Tous Illicites. Mm-hmm. On a travaillé avec lui à l'époque quand j'étais encore avec mon groupe. Et puis là, je suis invité par RZA. Donc toi, tu l'as connu il y a un petit moment, si vous êtes connu sur Orléans. Moment, oui, ça date, l'histoire, elle est... Quand j'ai été faire mon premier son en studio, il y avait beaucoup de monde. Personne m'a calculé, et Osin, c'est le seul qui m'a dit, gros, écoute pas les gens, va au bout. Donc voilà, moi je m'en suis souvenu, j'ai suivi sa carrière et je me suis dit bon, aujourd'hui c'est quoi, le studio moment. Voilà. Studio Orléans. Studio Orléans. Behind the Beat. À l'époque, on enregistrait notre projet, Le Temps du Changement. On s'est croisés en studio et puis j'ai apprécié ce qu'il faisait. Je lui ai donné la force, tu vois. On l'a discuté et puis voilà, hein, ça a payé. Il a continué son petit parcours. Et puis là, on a Skyrock pour Planet Rap, l'album Love. Je suis très content pour lui. Et ouais. On lui donne la force, on est là pour le soutenir. Exactement, merci, on est là ce soir pour et lui. Et puis il faut, exactement. Et ça marche fort, l'album Love, qu'on t'as peut trouver un peu partout. Lundi, on est arrivé, on était 7e. Mmh. Hier, on est arrivé, on était 6e. Aujourd'hui, on est 5e. 5e, petit à petit. Ça va, ça monte. D'ici la fin de semaine. Ça suit. Merci à tous en tout cas. On peut tenter les toutes premières places, mais c'est déjà bien en même temps pour toi. Voilà, c'est ce qu'on expliquait un petit peu sur ton parcours. Ouais. Tout se passe bien. Tout va bien pour l'instant. Et ben bienvenue aussi. En tout cas, toi aussi, t'as un projet hein, qui est dans merci les bacs. Merci beaucoup. Ouais, moi j'ai sorti un projet. En fait, c'était pas dans les bacs. Ah, c'est pas dans les bacs ? Non, c'est pas dans les bacs. C'est digital. C'est... Même pas digital. En fait, c'est un CD que j'ai mis à disposition de mon public parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de musique. J'ai repris la musique en 2014. J'ai fait un CD. J'ai compilé pas mal de titres comme ça me chantait. Et puis voilà, je l'ai mis à disposition de mon public. Là, je l'ai distribué. Il est disponible sur YouTube, Ossine YouTube. Et ma page Facebook, c'est aussi une vraie page. C'est bien ta pote. C'est rare aussi aujourd'hui des rappeurs qui donnent des CD comme ça, qui taffent pour les gens. Moi, on m'a toujours appris un truc, c'est il faut savoir donner pour recevoir. La musique, c'est un partage avant tout. Donc voilà, moi j'ai fait un CD pour partager mon CD avec le public et puis après on verra par la suite. Hein. Et bon, on écoutera. Mais ce soir, on est là pour Ritza. Et on écoutera un de tes morceaux quand même tout à l'heure. On écoutera un morceau tout à l'heure. On va faire un gros live, les gars. Et bah, bienvenue au Cine. On continue merci ce tour de table, Ritza. On est là pour Ritza. Mais le tour de table, il est fini. Bah, tu connais Fabien. Mm-hmm. Je rigole. Tu connais Momo. Bah, je rigole. Non, il y a Case, on sait pas si tu connais. Hein. Bon, Case, et ben on l'attend d'une Case minute à l'autre. Arriver. Voilà, c'est ça. Et en attendant, on va débuter avec le morceau Lié. Lié, voilà, avec Kenza Farah. On a pris mon cœur pour ce tout ça n'est pas pour moi. Je me suis fait des films, je connais déjà l'histoire. Tu me trouveras que si t'en ne me demande pas pourquoi. Quand on m'a tendu la main, moi j'ai souvent dit au revoir. J'ai toujours tout donné, crois-moi j'ai très peu reçu. Au final jamais été comblé, à chaque fois déçu. J'ai essayé d'y croire, j'ai fini perdu. Je voulais rester loin mais ton attention perdure. Oui j'avoue, oui ça tourne, sous tous les tours, je deviens fou. Ah moi oui j'avoue, oui ça tourne, sous tous les tours, nuit des jours. Kelly dans mes fous toi, je suis pas facile à gérer. Je vais faire des efforts au cas où t'iras j'irai. Mis en mode, je suis pas sûr, mais au moins j'essaierai. Je sais que t'es pas comme les autres, pas là par intérêt. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais liées. Liées. Liées. Liées. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais liées. Liées. Liées. Liées. Trop de mal à faire confiance sans devenir parano. L'amour m'a ouvert ses bras, j'ai fini par prendre un chaos. Toute meuf dans ma vie ont voulu me passer l'anneau. Direct j'ai pris la fuite, j'ai bloqué des numéros. Mais toi t'es différente, tu contrôles mes faits et gestes. Quand tu me parles c'est fou, j'oublie tout et je suis à l'ouest. À ton jeu je me laisse prendre, j'avoue qu'au fond ça me plaît. Si t'y crois on y va, pas du genre à retourner ma veste. Oui j'avoue, oui ça tourne, tout joue des tours, je deviens fou. Ah moi oui j'avoue, oui ça tourne, tout joue des tours, nuit des jours. Ce soir je t'appartiens, on fait les choses bien. J'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie qu'on parte loin. T'auras gagné quand tu contrôleras mes humeurs. Tu m'as convaincu, tous les chemins mènent au bonheur. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais liées. Liées. Liées. Liées. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. C'est le Planète Rap avec Ritza, notre invité toute la semaine entre 20 et 21. Et ce morceau qu'on peut avoir uniquement en téléchargement légal, je précise. Exactement. Hein, que vous téléchargez l'album. Et c'est vrai qu'on précisait, t'es numéro 1 aussi sur Play Store. Donc ça, voilà. Ouais, bah merci à tous, vraiment. Merci à tous ceux qui vont chercher l'album, ça fait plaisir. N'hésitez pas à cliquer Ritza, notre invité. L'album voilà, s'appelle le Love. Ça sur Skyrock. Ce soir, il y a aussi Lilia qui est avec nous. Il y a DS. Il y a Ossine. Si, si, on Ossine. Et il y a Farid. Tu peux prendre le micro, pas Farid. Farid Kidea. Exactement. Mais alors pourquoi il est là, Farid? Farid, il est venu boxer. Bah, qui? Il est venu boxer le micro. Rétablir l'ordre un petit peu. Il est venu boxer qui? Non. Il est venu boxer Ritza. Il va te parler de. Parce qu'il parle trop de. Il parle trop de meufs. Ça va bien, Farid? Ouais, ça va super, merci à toi. Eh bah, ben écoute, bienvenue dans le Planète Rap de Ritza. Alors, la connexion, pourquoi Farid est là? Ben Farid, en fait, avec le clip avec DJ Case et Lilia, en fait. Il y avait une scène où on cherchait un boxeur et Farid il était là, donc merci à lui d'être venu. Oh, sacré en plus. Hein. Ah, oui, attention, on a un grand champion à côté. A... Niveau zéro, mais c'est un champion. Ça, t'inquiète, c'est moi je lance moi. T'es monté sur le ring face à Farid ou pas? Ouais. Il a mis un petit enchaînement, il a essayé. Et après, je me suis réveillé. Bon Farid, bah écoute, bienvenue dans ce Planète Rap. Tu avais écouté un peu Ritza, des choses qui te plaisent. Elle est au top. T'as entendu des choses qui te plaisaient? Non, elle promet comme on dit, elle est bien. Ça c'est pour Lilia et pour Ritza. Bon le petit, il faut qu'il prenne un peu de poids par contre. Tu sais qu'il fait du foot, il m'a dit qu'il faisait du foot à haut niveau. Ouais. C'est de pousser, mais c'est foutu. Tu joues dans quel club, Ritza? Saran, dans le Loiret. Dans le Loiret. Voilà, voilà c'est un club pourri, mais. Farid, il est fou comme ça. Tu arrêtes, on va mettre des gants. Hein. Le problème, c'est que tu t'entraînes pas beaucoup, mec, là, cette semaine, Ritza. Ah, non, là, c'est foutu, là, ce week-end, les gars, attitude, là, bande touche. Hein. Ah ouais. Ah, c'est clair et net. La remplaçant. Bon, Farid est là avec nous. Tiens, Farid, on peut peut-être dire aussi un mot avec la tragédie qui s'est passée. Toi, je sais que t'as fait de la télé-réalité aussi. Tu connaissais aussi forcément une partie de l'équipe qui nous a quittés. Bah, ils ont fait un truc super sympa là, ils ont fait un petit hommage au petit Alexis là, à l'INSEP avant. À l'INSEP, ouais. Et donc c'était plein, il y avait beaucoup de monde, il y avait le DTN, l'ancien DTN boxe anglaise, Dominique Nato qui était présent, les parents, c'était un peu. C'était émouvant, c'est compliqué, c'est dur. Hein. Ouais, tu connaissais Alexis un petit peu aussi? Ouais, on se connaissait. Après c'est un petit milieu la boxe, on se connaît tous. Ouais. Et malheureusement, tu sais, surtout quand ça arrive comme ça, surtout qu'ils avaient déjà perdu une sœur. Horrible, ouais, début janvier, ouais. Courage aux pour familles. Les parents, des victimes. Ouais, c'est très très dur. Ouais, bah, on pense fort à eux, on pense à toutes les familles des victimes. Exactement. Ce soir encore dans l'émission, 20h10. Ce soir, Ritza, il y a des auditeurs qui vont poser des questions. Ok. Si vous voulez poser des questions, d'ailleurs, vous envoyez avec le hashtag Ritza sur Skyrock. Le premier à s'y coller, c'est Johan de Châteaudun, c'est bien ça, ou Johan? Johan de Châteaudun, salut Johan. Salut Johan. Salut Ritza, ça va? Ça va et toi? Ça fait longtemps. Hein. Ah ouais, ça fait longtemps. Pourquoi? Vous connaissez tous les deux? Mais il me semble, c'est Johan Brunier. Ouais, Johan Brunier, je sais qui c'est. On s'est vu plusieurs fois, depuis le début. Avec toi. Hein. Ouais, il est monté sur scène avec toi? Ouais, j'avais fait un showcase et je l'avais fait monter. Il avait dansé. Ouais, sur coup d'euro, mais je vais te taper l'affiche. Bon, un sacré danseur, Johan, alors a priori. Bah, bon, t'écoute, c'est quoi la question pour Ritza? Oui, ouais, j'avais une question parce que je vois que Ritza, sur pas mal de photos, il a vu pas mal de grands artistes, de chanteurs connus dans le monde entier. Et je voulais savoir quel était son rêve de chanter avec un grand artiste. Ah, en featuring. Ah, en featuring, ouais. Son rêve. Un rêve de featuring. Mais vas-y, hein, même Kinry, n'hésite pas, hein. Attaque, hein. Non, il y en a beaucoup en fait. J'apprécie beaucoup de monde. Après, il y a quelqu'un que j'apprécie vraiment, mais c'est plus, c'est pas vraiment mon créneau malheureusement, mais c'est Youssoupha. J'adore vraiment Youssoupha. Et voilà. Bah pourquoi pas. On sait jamais. Sait-on jamais. Ouais, voilà. Après, on verra. Lui, il prépare un album pour le 18 mai prochain qui s'appellera Négritude, l'album de Youssoupha qu'on salue aussi. Et voilà, Johan, ça te va comme réponse, Youssoupha? Oui, ça va, parce que j'avais vu pas mal de photos auparavant, enfin il y a peut-être au moins un an, avec des grands artistes, donc c'est pour ça qu'on se posait la question. Écoute, ça arrive, pourquoi pas, d'accord. On sait pas. Ce sera à suivre. C'est ça, on verra. Merci à toi, Johan. Merci à toi. Excusez-moi, il y a possibilité d'avoir une photo dédicacée? Bah ouais, si. T'as des photos dédicacées, Ritza. Comme j'ai pas la possibilité de me déplacer, savoir s'il y a la possibilité d'avoir une photo dédicacée de lui. Et on va en faire. T'as pas de photo pour l'instant, t'as rien? Si, ça doit être. Justin, il a ça, t'inquiète pas. Bon, on va te mettre de côté, bouge pas, Johan. On te tient au courant. D'accord, je te remercie, c'est gentil. Merci, Johan. Bonne soirée, Johan. On continue avec Sarah de Lyon. Salut, Sarah. Allô? Allô, Sarah, comment ça va? Oui, ça va, et vous? C'est bien toi, Sarah de Lyon. Oui, voilà, de Lyon. Et bah voilà, je te présente Ritza, il est là avec Sarah, nous. Salut Sarah, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, merci. Et bon, t'écoutes Sarah? Alors? Oui, donc j'avais une question en fait, je voulais savoir d'où vient ton inspiration pour tes musiques, vu que tu dis sur le Mac que t'es célibataire.

Ritza, notre invitée entre 20 et 21, et donc ce morceau tiré d'une histoire vraie, son histoire avec elle. Il a bien précisé. Hein. C'est ce qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock entre 20 et 21. Ritza avec nous. Il y a Ossine qui est dans le coin. Ossine, ouais, il est dans le coin, il est pas loin. Mais Farid Kider qui est là aussi. Farid qui a un spectacle, si tu veux, tu peux en parler. Avec plaisir, ouais, j'ai un spectacle au théâtre du gymnase d'ailleurs. L'équipe est invitée un samedi. Donc voilà. C'est samedi là ? Tous les samedis. Tous les samedis ? Au théâtre du gymnase, ouais, bonne nouvelle. One man ? One man show, ouais, le one round show s'appelle ça. Donc je parle un peu de boxe, ouais. Évidemment incontournable. Je parle de la ferme célébrité, incontournable aussi. Que tu as faite ? Ouais, je parle de mon enfant, je parle de mon parcours aussi. Mmh. Qui est un peu déglingué, mais. Ah bah c'est un sacré parcours, hein, si vous suivez ouais. Farid Kider depuis un bon petit moment. C'est, ouais, vrai que, c'est vrai que c'est un sacré parcours. Ouais, je parle des femmes aussi, un peu du comportement des femmes, comme il fait. Ça va intéresser Ritza, ouais. Ouais, il adore. Bon, tu peux lui filer plein de conseils, Farid, ouais, toi, ça va. Ouais. Beaucoup de mensonges. t'as un peu de vécu. Ouais, c'est pour ça qu'il va s'inspirer de mon vécu, le petit Ritza. Oh là là, oh là là. En perso, j'ai été voir le spectacle de Farid, il est super et je vous conseille d'aller le voir. C'est gentil. C'est vrai. Qu'est-ce que t'as retenu du spectacle ? On a bien rigolé, on a rigolé du début à la fin, c'est vraiment. Super. Hey, t'as un exercice particulier, ça, Farid, pour toi qui a connu les rings, qui a connu tellement de choses, si tu veux, là, d'un seul coup d'affronter. C'est un truc flippant, non ? Ça doit être flippant. Bah, c'est drôle, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai peur sur scène. Ouais, tu dois flipper en fait. L'adrénaline, sur un ring, je monte, j'y vais, je sais pourquoi je suis là. Et là, bon, ça fait un an que je joue, hein, j'étais en rodage, bon, toujours un petit peu. Et c'est vrai que, bon, après, il y a toujours le public, il y a ce côté public qu'on a. Mais sur un ring, c'est vrai que même quand il y a un public, on ne leur parle pas, quoi. On est là, on les envoie. Mais en même temps, là, ouais, il faut aller choper le public. Faut aller... ouais. Et là, on va le chercher. Là, ouais. Sur scène, c'est. Ouais, c'est donc, gymnase tous les samedis à ouais. Paris. C'est ça, 22h30 au théâtre du gymnase tous les samedis. Et ben, on ira faire un tour. Ouais, bien sûr. Ritza, ça va t'intéresser. Il y a plein d'histoires. Voilà, exactement. Apparemment, il y a des histoires d'amour là-bas. C'est pour ça que je disais ça. On va revenir dans un instant. On fera le live, tiens, avec 100 mecs, 100 meufs. Exactement, avec Lilia. Lilia. Yes. Tu veux qu'on le fasse le live dans quelques minutes ? Bien sûr que je veux. Avec plaisir, tu as la voix prête. Exact. Un peu, j'ai un peu pris froid. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu viens de Toulouse. Exactement. C'est dans... Mais en même temps, là, ça va, ça commence à aller. Regarde, t'as vu ça à Paris? Mais c'est oui. Printemps, tout va bien. Mais oui, tout va très bien. Bon, rappelle-nous aussi ton parcours, toi, Lilia, ce que tu as fait avant de débarquer aussi sur l'album de Ritza. Mais moi, je suis une artiste toulousaine qui fait de la variété urbaine. J'ai fait pas mal de projets, notamment un projet en 2010 en indépendante qui s'appelait Rien n'est fait au hasard. Et puis là, en ce moment, maintenant que. Enfin là, j'ai des projets à venir, certains singles, notamment avec DJ Sultan Nash et le clip sortira pour la fête de la musique. Le 21, ah ouais, donc tu prends rendez-vous déjà pour le 21 juin. Exactement. Voilà. Mais le prochain single qui sort, c'est avec Jacques Perry. C'est un gros titre funk en featuring avec Elsaï, ici présent. Produit par Christophe Després, c'est auteur et compositeur du groupe Légende. Et bah très bien, donc c'est quand? Mais très prochainement. Très prochainement, okay. Exactement. Là, au moins, t'en connais une, c'est le 21 juin, la sortie, mais l'autre, faut guetter. Voilà, c'est le prochain qui arrivera, c'est tout ce que j'ai à vous dire, et voilà. Et on peut te suivre où alors sur les réseaux sociaux où est-ce qu'on peut cliquer pour avoir plus d'infos sur toi? Facebook et Twitter. Alors, c'est Lilia DS, LILYA, plus loin, DS, les lettres. Et bon, vous écouterez en live dans quelques minutes 100 mecs, 100 meufs. On mettra aussi un autre morceau. Il y aura encore une nouvelle rafale de questions pour toi. Encore ? Ritza, dans quelques minutes, ne bouge pas. Il y aura aussi. On doit passer un morceau aussi, non ? Ossine, il va faire un freestyle, les gars. Freestyle, c'est freestyle ? Il me semble qu'on doit passer un morceau ou un freestyle. Si on a le temps, sur, ouais. Freestyle plus un morceau en exclu. Un freestyle sur et. Et bah, bougez pas, c'est dans quelques minutes sur Skyrock, le retour de Ritza et ses invités. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète. Ce soir, Planète Rap Ritza, en direct sur Skyrock. Il est avec nous toute la semaine, c'est Ritza entre 20 et 21 sur Skyrock. Le Planète Rap, avec du live qui se prépare dans quelques minutes, Ritza. Exactement, avec Lilia. Mais juste avant, une nouvelle salve de questions. Ah bah on est prêt. Hein. On va retrouver Lucie de Caen. Salut Lucie. Salut. Ça va bien Lucie? Ça va et toi? Bah écoute, je te laisse Ritza. Ça va très bien, merci. Ok. Tu peux t'occuper de lui, vas-y. Oh. Ça marche. Quelle est ta question, Lucie? Bah en fait, j'aurais voulu savoir comment tu réagis face aux critiques. Genre, tu t'en fous ou ça te permet d'avancer? Bah, ça aide à avancer. Après, bah, je les regarde, bien sûr. Ça atteint pas plus que ça. Il y a, après, les critiques constructives, forcément, faut bien les lire. Ça fait réfléchir, mais c'est pas ça qui... La photo, ça m'embête pas, vraiment, en fait. Moi, D'accord. Je les lis... C'est normal, on peut pas plaire à tout le monde, mais ça me dérange pas vraiment. Oui, ça te touche pas plus que ça. Ça me touche pas, plus que ça, parce qu'il y en a très peu de constructifs. Voilà, c'est, c'est vrai qu'il y a. T'as des critiques bêtes, quoi. Donc, à part c'est nul. Tu veux que je réponde quoi à ça, quoi. Tu vois, c'est nul. Bah, écoute pas. Bah, écoute nul. Pas, ouais. En fait, pas de soucis. C'est tu clair. Vois. Donc, voilà. Ça te convient, Lucie, comme okay. réponse J'aurais voulu savoir ton vrai prénom, en fait. Ah. ça, je le garde un petit peu pour moi, ça. Oh. Je soupçonne, Allez, quelqu'un de l'avoir poussé cette question-là. Hein? Ah, il dit que non. Désolé, non, bah. Je le garde un petit peu, ça, pour l'instant. Ah, c'est ta partie. Ouais, bah, allez le voir jouer au foot. Voilà. À Saran. Tu verras. Bonjour, à Saran. Allez le voir jouer au foot. Tu verras dans le journal et tout. Tu joues à quel poste, hein? Milieu gauche. D'accord. D'accord. Bah, milieu gauche à Saran, vous avez trouvé le prénom. Au moins le prénom. Au moins. Même le nom de famille. On peut le donner ou pas? Non. Ok. Farid, tu connais, toi? Ouais, ça commence par Jean. Non, n'importe quoi. Jean-Paul, Jean-Luc? Ah, rien du tout. En fait, il y en a trois. Ah, non, c'est bon, il est parti. Mais alors, peut-être savoir pourquoi Ritza? Ça vient d'où, Ritza, alors? Ritza, en fait, chaque initiale représente un mot important pour moi. Mm-hmm. Donc, respect, identité, détermination, solidarité, authenticité. Allô, j'entends plus. Ah. Lucie, tu vas pas entendu? Oui. Ouais, c'est bon, là, dans un tunnel. La fameuse excuse du tunnel, trop fort. Ah oui, ça veut dire ça, donc. Et voilà, ça veut dire ça, ça vient de là. Très bien. Bah, merci pour cette info. On te fait un bisou, Lucie. Bisous, Lucie, merci à toi. Alvin de Saint-Etienne, salut Alvin. Ouais, salut. Salut Alvin. Alors Alvin. Ouais, salut. On t'écoute. Ouais, bah, big up. Bah, en fait, ouais, je voulais demander à Ritza comme quoi, je vois qu'il parle souvent de déception quoi, dans ses textes. Donc, je voulais savoir, en fait, si les gens autour de lui, bah, ils avaient changé depuis qu'il a pris un peu d'ampleur, quoi. Si les gens avaient changé un peu. Est-ce que les gens changent autour de toi? Ouais, quand même, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est plus pareil, mais bon. Après, faut. Bah, après, tu dois avoir une base solide choses, de potes. Hein. Voilà, c'est ça. J'ai la famille. Un entourage réduit, mais costaud. Donc, ça va. Ça change pas trop. Mais il y en a quand même, tu vois, que le visage change. C'est dommage, ouais, mais bon, c'est comme ça. Ça arrive, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Ouais, ouais. Après, il faut choisir. Exactement. Ouais. Ok, bah, nickel. Ok, bah, merci à toi. Bah, merci à toi, Alvin. Bah, normal. Normal, un gros big up à toi, l'album il est super lourd. Ah merci, ça fait plaisir. J'adore ta plume, elle est vraiment, je kiffe vraiment bien. Et bah voilà, big up. Hein. Bon, c'est gentil, merci gros. Passe une bonne soirée. Merci à toi. On va mettre un morceau qui s'appelle Cogit maintenant. Cogit, voilà. Il y aura le freestyle par téléphone et puis après on attaquera Cogit, les. Cogit, ouais, c'est un de mes morceaux préférés de l'album d'ailleurs. Ah, on l'a enregistré à New Times. Big up à Keraim si tu nous écoutes. Voilà. Le morceau Cogit, extrait de son album Love. Moi je préfère rester solo. Je préfère rester solo. Je deviens parano. Dis-moi pourquoi tu me follow. T'es là, tu me parles de feeling. Moi je préfère rester solo. Mais je t'assure, c'est pas ta faute. Trop gentil, c'est mon défaut. Mon passé fait que je me méfie. Mes sentiments sonnent faux. Ça me rend fou, rien que ça joue. J'ai plus le temps, je dois avancer. Pousser à bout, je cours, je vois les problèmes me courser. Parle pas d'amour, je t'avoue. Leurs discours m'ont saoulé. Je pars faire un tour, je fais le sourd. Je ressens un besoin de m'isoler. Surtout m'en voulez pas, non. Je suis dur à cerner. Oui, un peu comme mes yeux qui sont durs à fermer. On s'appelle, on n'a pas le temps. On peut plus s'aimer. Fais les solitaires pour éviter de saigner. Seul face au vide, je vois qu'on m'évite. Je dis rien, moi j'avance. On te fera la bise dans le dos, on te vise en faisant les avances. Parle pas, fais ta ive, trop de mal à vivre. On souffre et on commence. On s'oublie, on fuit, du mal à vous suivre. Condamné depuis tant d'années. J'ai tout donné, sans compter. Désormais pardonné. Je dois m'en aller, m'en aller. Toute la nuit en fait, je cogite. Des pensées emprisonnées. Toute ma vie en fait je cogite. Qu'est-ce qui m'empêche de me sauver? Reviens par ici. Je sais j'ai fait l'imbécile. Moi je voulais pas te vexer. Pose un peu tes valises. J'ai trop de mal à m'investir. Je fuis quand l'amour se dessine. Moi-même j'en suis lassé. Mais pour toi ça sonne faux. Oui je flippe quand je vois le mal que ça fait. Trop de fois on se fait des films. Donc m'attacher j'ai la flemme. En réalité je flippe. Éternel insatisfait. Trop de fois je me fais des films. Donc pour t'aimer j'ai la flemme. Au fond je le sais. Faut que j'arrête de penser. Que je me mette à foncer. Pour pas que mes rêves tombent à l'eau. Oui au fond je le sais. Qu'il y a peu de gens sincères. Que tout le monde se sert. Et qu'on finit le lot. Phénomène Mike, au final je m'isole. Déçu par la femme sur laquelle j'ai misé. Trop fond les vrais mais en fait mi-tonne. Genre elle s'en fout mais elle fait te pister. Toi t'es saoulé, coulé, tu voulais donner. Rouler, t'étais à bouer. Muet, tu t'es isolé. Condamné depuis tant d'années. J'ai tout donné, sans compter. Désormais pardonné. Je dois m'en aller, m'en aller. Toute la nuit en fait je cogite. Des pensées emprisonnées. ma vie en fait je cogite. Qu'est-ce qui m'empêche de me sauver? Je viens pas d'être, dis-moi pourquoi tu me follow. T'es là, tu me parles de feeling, moi je préfère rester solo. Moi je préfère rester solo. Condamné depuis tant d'années, j'ai tout donné, sans compter. Désormais pardonné, je dois m'en aller, m'en aller. Toute la nuit en fait je cogite, des pensées emprisonnées. Toute ma vie en fait je cogite, qu'est-ce qui m'empêche de me sauver? Moi je préfère rester solo. Moi je préfère rester solo. Moi je préfère rester solo. Le morceau s'appelle Cogite, c'est extrait de l'album Love de RZA avec nous toute la semaine dans Planète Rap entre 20 et 21 avec Ossine qu'on va découvrir en live dans quelques minutes. Aussi, ouais. Avec le morceau Sans mec, sans meuf que non, vous allez faire. Non, Ossine, c'est pas sans mec, sans meuf. Non, mais après. Ah, après. Ah. Après, vous allez faire dans un premier temps le morceau Sans mec, sans meuf. Voilà. Avec Lilia DS qui est là avec nous. Yes. Le clip a déjà passé 1 million de vues en plus. Hein. Ouais. Donc c'est cool. Ouais, simple. Super. Ça va. Et j'invite ceux qui n'ont pas encore regardé le clip à aller le regarder. Il est disponible sur YouTube. C'est une belle invitation, ça. Ouais, très belle invitation. Donc on écoutera ça dans un instant. Le morceau Sans mec, sans meuf en live. Juste avant, je vous présente par téléphone, c'est Divag de Gab. Salut Divag. Salut Fred, ça va la forme? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Tu connaissais RZA? Ouais, alors, tu sais quoi, je l'ai découvert 2 jours avant que je sache que j'allais passer sur Skyrock. Et bah voilà. Non, bah, ça sert aussi pour ça, le Planète Rap, c'est découvrir. Ça. C'est ça, gros. Pour l'anecdote, RZA, je voulais te dire un truc. Le son que tu as fait qui s'appelle Elle. Ouais. Grosse dédicace pour Laila de Gab qui te kiffe parce qu'elle kiffe ce son. En fait, elle m'a fait écouter ce son, ça m'a fait rire parce que j'ai enregistré un son sur la même prod. Ah ouais, face B, gros. Tu connais. Au début, c'est les face B. Hein. C'est ça, c'est ça. Et bah, c'est parti, cool, toi. Bah, big up à elle. Et bah, une grosse dédicace à elle. Et puis, toi, on va t'écouter rapper maintenant. Allez, c'est parti. Session live. C'est ton moment, gros. Session freestyle par téléphone, on y va. Normal, toi, MTC. Tout est parti de là. Ok, ça fait. Yeah. Tout est parti de là. Il leur fallu qu'on ait un minimum d'ambition pour causer peine et tracas. Perte et fracas pour les plus nerveux, des mois fermes de placard. Mais quand je présente l'occasion, attrape un sac et on se barre. Malgré les turbulences, dérouler ses objectifs provoque la chance. Restant vigilant et attentif, on erre au hasard. Mon prochain m'a déçu, on peut pas vaincre tous ces cons. Décidément, y'a vraiment trop de bâtards. Yo, des crampes, les mains qui trempent dans des poches vides. On ressent le manque, tout comme le solde se fout du compte en banque. Et pour tout le monde, le même cas de figure qui se présente. La tristesse qui ruisselle à 2 doigts de presser la détente. L'envie pressante de mettre en œuvre ce qu'on prétend. Soit dit en passant, j'ai pas ma place dans ta salle d'attente. Les dégâts seront considérables et les dommages collatéraux. Nos vies nous sont offertes, mais laser m'y fait pas de cadeau. Un peu étard dans le standard, maximum Amsterdam. Les états d'âme au placard, accablés par la tâche. Camel dans la feuille, mousse dans la canette vide et la gamelle, on mélange bière et camas. La Scarface des sarcasmes, un lascar, des Air Max, des tracas, des problèmes, c'est tout ce qu'on ramasse. Des carnages en série, esquivant arnaque et traquenard, traqué par des énarques en furie. On s'efforce de progresser, le témoin du suratin. On attend le soir pour se buter, c'est ce qu'on se dit tous les matins. Élémentaire, mon chat Watson, défoncé, on répète jusqu'à pas d'heure et tellement fort qu'on réveille tous les voisins à la base. On voulait pas leur faire de tort, mais quand le chagrin déborde, on fait des phrases pour pas finir au bout d'une corde. La vie c'est ça, tu perds, tu casses, tu trouves, tu gardes, tu joues, tu gagnes, tu cognes ou tu restes à gare. Le regard vers le sol, faut pas que tu baisses ta garde. Relève la tête, t'es pas le seul égaré, du droit chemin, tout le monde s'en écarte. N'aie pas l'air effaré, certaines vérités blessent, mais c'est dans le mauvais sens du poil que les mensonges caressent. On va pas se mentir, on s'enfonce bien plus souvent qu'on s'en tire. T'as beau avoir du flair, mais dis-moi comment faire, j'ai pas le remède. Quand ça pue que la merde est proche et que t'arrives plus à la sentir. Les yeux plus gros que le ventre, on a voulu se remplir la panse. La pauvresse de notre puissance, on se contente de bière et d'abstinence. La solitude pour seul ami, une attitude qui trahit. Un salaire qui n'atteint pas mensuellement ce que coûte la vie. Presque dégoûté de la vivre, on subsiste. Des coups durs et des risques, la couture de suture pour de futures cicatrices. Des plaies remplies de sel, je mets de la peine dans mes couplets parce que cette chaîne de vie m'attriste. Les poumons qui s'encrassent, tout va se finir dans un tas de cendres. Tu croyais que j'allais repartir sans laisser ma trace? la paperasse qui s'entasse, du sang d'encre et des créances, car trop souvent c'est le vice qui nous embrasse, c'est la peur qui nous terrasse, des sentiments qui nous dépassent, grandeur et décadence, ça c'est l'ambiance, mais on fait face, les mauvais souvenirs qui restent pendant que les meilleurs s'effacent, alors je me sers un whisky sec, viens tasser sur de la glace. Yes, à l'instant, terrible, hein. Bien, propre. Hein. Franchement, Divac, bravo merci. À toi. Hein. Merci, merci. Il y a plein de réactions aussi pour toi. Propre l'auditeur qui pose, lourd le freestyle, il gère à mort. C'est. Trop bien, bon, hein. Excellent. On peut te retrouver où, toi, Divac, balance les. Retrouvez-moi sur YouTube et sur Divac, DYVAG. Et Fred, petite parenthèse, je sais pas si tu te rappelles, mais tu es déjà passé sous le blast furtif l'impulsif. Ah, c'est toi? Ouais, je me souviens. Voilà. Donc voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Mais j'ai changé le blast, je suis parti dans un autre délire. On va voir ce qui sort après, hein, on verra bien. Et bah, bon courage pour la suite. Non, je fais les pizzas à Gap, les meilleures pizzas de Gap, tout le monde le sait. Elles sont où alors? Où est-ce qu'on peut les trouver? Giuseppe Pizza. Giuseppe Pizza à Gap. C'est ça, tout le monde connaît. Allez-y ce soir, il y a 50%. Non, peut-être pas, je travaille pas, je suis en repos, c'est pendant que je fais les pizzas. Oh merde. Il a fermé. C'est le truc à fermer. Dis-toi, ils ont fermé en plus. Et bon, salut, on salue l'équipe là-bas de. Comment tu as dit déjà, excuse-moi, Giuseppe Pizza, voilà. De Gap, ça roule. C'est ça, donc grosse dédicace à Riza, franchement, je suis content de le connaître parce que c'est du bon son. C'est vrai que c'est un flow, j'avoue, c'est un flow que je connaissais pas trop, mais voilà, il y a des belles paroles, il y a des bons trucs qui sortent, ça fait plaisir d'écouter. Merci ça. Pour toi, ça fait plaisir. Et bah, merci à toi, voilà. Divac. Bon courage, et à toi, bon courage. Ouais. Et dédicace à tout le monde qui m'ont écouté, qui m'ont suivi, et à mon pote qui me filme en direct de Gap. Et bah, une dédicace à lui, merci à toi. Voilà, merci à vous. Salut, Divac, à l'instant. Vu qu'on parle de pizza, moi je dis dédicace à Royal Tacos, il y a un gars qui est là aussi. C'est le meilleur kebab d'Orléans, les gars. J'ai tout fait, c'est lui le meilleur. Royal Tacos. Royal Taco qu'on trouve où à Orléans par exemple? C'est à côté, c'est une ville qui s'appelle Main-sur-Loire. Big up à Nordine, Sadat, Momo, ils sont là quoi. Farid, t'as un plan graille aussi ou quoi? Farid, on mange où Farid? Moi le corps de son poids, j'y devrais être. Ah, toi Farid, il y a un truc avant le gymnase, non? Moi je vendais tous les dimanches matin au marché de Montreuil. Voilà, je suis dans la merguez moi. Hein. 3 kilos de merguez achetés, 2 offertes, ça fait 5 kilos pour le prix de 3. Farid merguez, voilà. Farid Gezmer. Farid Gezmer. C'est de la saucisse halal, vous inquiétez. Évidemment. Ouais. Merguez Mimi. Et j'en profite pendant que ça parle de restauration. Allez, pour passer l'heure. Casse à la tour de Pise. C'est voilà. Une pizzeria dans le 57 à Guélange. Grosse pensée à mon frère Zitoun. Et voilà. Là, ben ça, vous savez où on manger là maintenant, c'est là, sûr. Je suis en Corrèze aussi la semaine prochaine. Allez, on va passer au live maintenant. Il y a déjà 20h40 sur Skyrock. Sans mec, sans meuf. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Moi je suis prêt toujours. Sans mec, sans meuf. Big up à DJ Case. Et nous on est en refrain derrière. Ouais, il va. Farid, après tu vas lâcher un 16, t'inquiète pas. Justin Records. DJ Case, Lilia. Tu pètes plus haut que ton boule, mais tu pètes pas le score. T'as fait qu'une séance de squat et tu fais genre tu fais du sport. T'as mis ton Snapchat en public, t'envoies des histoires à tout le monde. T'aimes trop quand ça clique, dans ta tête ça tombe pas rond. 1000 selfies par jour, bouche en cul de poule, ça tire la langue. Tout pour des retweets, tu mets tes formes en avant. T'aimes trop être courtisé que tous les boys de maths. Semelle rouge, séance du V pour que personne te rate. Tu fais la belle sur les réseaux, car les dalles te follow. Faudra pas s'étonner si tu finis solo. En public ça fait la thug, en DM t'es pas la même. Tu fais l'inaccessible, mais tu pleures pour celui que t'aimes. H24 sur ton tel, tes followers passent avant tout. En maillot sur Instagram, sans commentaire par jour. Tout ça c'est pas pour moi, en vrai tu pars en live. Reste avec ton buzz, faut être discrète pour être ma wife. Si tu parles à son mec, tu finiras sans mec. Si tu parles à son meuf, tu finiras sans meuf. Tu penses me la mettre, tu finiras sans mec. Mais toi arrête ton bluff, tu finiras sans meuf. La la like, pour un like. Tu fais trop le beau, tes réseaux ta go. Pour un like, pour un like. Continue comme ça, tu finiras solo. Quand ça va mal avec des dalleuses pour te consoler. Tout corazon prend des ailes mais se fait voler. Quand t'as tes yeux couleur cannelle illusion. Factice réel ça sent bon comme la chicha passée en pomme. Délicatement allumée mais ça part en fumée. Que tu vas à la Zlatan, relâche à la Beckham. Ton pote loue un gamos, tu délaisses ta bécane pour faire croire que c'est la tienne. Plaque et DG devant le Cayenne. Mais c'est une loque, tu te prends pour un boxeur. Tu fais le bosseur, t'as même pas l'air mais t'es une loque. retweeter des boutchères et les follow comme un toutou. De liker des filles avec des femmes sur Instagram. Yeah. Ta discrétion est faite. Yeah. J'ai grillé ton game. Non, tu n'es pas ma cam. Si tu parles à son mec, tu finiras sans mec. Si tu parles à son meuf, tu finiras sans meuf. Tu penses me la mettre, tu finiras sans mec. Mais toi, arrête ton bluff, tu finiras sans meuf. Pour un like, pour un like. Tu fais trop le beau, tes réseaux, ta go. Pour un like, et pour un like. Continue comme ça, tu finiras solo. Si t'es ok, on essaie d'avancer. Si toi et moi, on y croit, entre nous ça peut marcher. Je suis ok, je vais me ranger, on essaie d'avancer, tu le sais. Mais prouve-le-moi. Je suis ok, je vais me ranger, on essaie d'avancer. Mais prouve-le-moi. Just don't. Si tu parles à son mec, tu finiras sans mec. Si tu parles à son meuf, tu finiras sans meuf. Tu penses me la mettre, tu finiras sans mec. Mais toi arrête ton bluff, tu finiras sans meuf. Pour un like, et pour un like. Tu finiras sans meuf. Pour un like, ouais pour un like. Tu finiras sans meuf. La la la la la la la like. La la la la la like. Lilia, DJ la. Justin Ritza pour un like. Farid, chercher un album, télécharger sur iTunes. Love Ritza, yes. Skyrock. Moi je dis bravo, bravo à l'instant en live. On peut les applaudir très fort. En live. Extrait de l'album qu'on retrouve, hein, ce morceau sur l'album Love. Exactement, ouais. Sans mec, sans meuf. Avec Ritza, avec Lilia DS qui est là aussi avec nous ce Exactement. Soir dans l'émission. Farid, tu veux lâcher un petit 16? Non, bravo. Pas mal, c'était un 2,5, c'était bien. C'est lourd, lourd. C'était très très lourd. Qualité. Bon, aussi, Néla aussi avec nous. Ah, aussi. Aussi, bon, vous connaissez, donc on le disait depuis un moment, évidemment, vous êtes d'Orléans, de la même ville, tous les deux. Exactement. 45, ça bouge pas, on est ensemble. 45, donc peut-être des dossiers sur Ritza à nous balancer. Je t'ai pas demandé depuis tout à l'heure. Non, y a pas de dossier sur Ritza. Pourquoi tu veux qu'il y ait des dossiers sur Ritza? Jamais, si je mets un petit truc. Tu cherches. Non, mais oh, tu veux me tirer les verres du nez? Exact. À tirer. Non, il n'y a aucun dossier. Aussi. À part que Ritza, c'est un des rares artistes que j'ai rencontré durant mon parcours qui a su faire preuve de reconnaissance et qui n'a pas changé malgré qui a su garder la tête froide. Franchement, respect. Respect, mon gars, je te le dis dans le merci banc des yeux. Merci. Hein. On est ensemble, il n'y a rien. Et grosse dédicace aussi à Justin Record, juste Tony, DJ Case, Willy, toute l'équipe. Tout le monde, Brahms. Et aussi, maintenant en live, t'es on prêt? On va partir, on va faire un petit freestyle. Ok. Tout le studio Planète Rap, on ensemble. Dédicace à Méga du 45. Planète Rap, Planète Rap. Hussein la Kalash, Hussein la Kalash. Planète Rap, Planète Rap. J'suis avec Rista. C'est Justin. Hey, j'suis bel et bien de retour pour caner le rap game. 9 000 et 1 000 et 1 000 clic clic bang bang. C'est Hussein, c'est pas T-Bane. J'm'en vais dire à tous ces vendus qui s'y battent tous. Paye, paye ta mère. Ouais, tu vois, Khalas. Y'a pas qu'un Marseille qui sorte la Kalash. Mon rap passe à la barre pour le casse du siècle. Le tien pour un vulgaire vol à Kalash. Depuis l'époque où j'bicravais des blocs en bas des blocs et j'écoutais du rap en me disant qu'un jour il faut que je les foque. Et j'écoutais du rap en me disant qu'un jour il faut que je les choque. Et j'écoutais les grands en me disant qu'un jour il faut que je croque. La rue te fera pas de cadeau. Elle te tèche devant chez ta mère avec une balle dans le dos. Personne ne mérite de mourir comme un sale cabot. Mais chacun porte le poids de ses péchés comme un sac à dos. Car à l'époque où l'oseille est vitale, c'est clair que la guerre est inévitable. Ces gros bâtards veulent nous mettre une puce qui contient permis, CB, carte vitale. Dois-je travailler pour combler madame ou charger mon coffre à Amsterdam? Comment faire le salaire de Nadal pour que mes proches et ma famille d'âme? Car d'amour et d'eau fraîche, on ne vit pas papa. La vie de château, la dolce vita, tata. Leur système, je me fie pas papa. Devant toi, je ne me justifie pas papa. Rapport à ces rappeur de merde, on va dire que Hussein se démerde. Alors que depuis l'âge de mes 13 piges, j'éclate leur grand-mère et les enferme dans des containers. Planète rap, tout le monde. Planète rap, Hussein la Kalash, Hussein la Kalash. Planète rap, Planète rap. J'suis avec Ritza et Justin Record. J'ai commencé le rap, j'avais que 13 piges. Aujourd'hui, j'gratte des sets de prestige. 17 piges, arrive en quartier mineur. J'avais les mains plus salies par le charbon qu'un mineur. À mon actif, 27 piges dans le ghetto. À l'époque, on s'activait dans la vente du bédo. Bolos, billets, billets, bolos. Avec les potos, il nous fallait du zéyo très tôt. J'ai toujours été fidèle envers ceux qui ont su l'être. J'ai toujours aidé mon putain de prochain fils à Billet. J'ai toujours été fidèle envers ceux qui ont su l'être. Ceux qui m'ont jamais oublié, même au ch'tard. Eh, hey, les mecs, moi j'écris au 9 000 et 1 000 et 1 000. mettre. Voilà pourquoi ces bâtards voudraient me la mettre. Je leur fais du sale, mais ils veulent pas l'admettre. Balle dans la tête. Bouteille, pétasse, bolide, liasse. Voilà à quoi le rap d'aujourd'hui se résume. Héros, cesse, shit, crack. Le quartier est en éruption comme le Vésuve. Les putes, les stupes, les thunes, les studs m'ont fait stopper les études. Devant les faits sur les dépôts, je me suis toujours tu. Moi je suis pas une balance mais un sagittaire. Je suis bel et bien de retour pour canner le rap. Je m'adresse aux rappeurs de merde et aux gros rageux qui s'attaquent à plus faible que mes pas aux rageux. Tempête de pasto, ciel orageux. Entre les balances, les keufs et les puces cassées. Combien l'aurait fait si ils auraient pu se casser. Demande à Mousse, les jaloux, y'en a plus cassé. Car on ne pourra pas réparer un cul cassé. J'en ai plus cassé. La vérité c'est que j'ai une folle envie de me casser. Une envie de tous les war comme mon casier. Chaud bouillant, j'habite dans le foyer du brasier. Trop de jaloux, trop de salopes, trop de haineux, trop de traîtres qui m'entouraient, qui m'ont porté l'œil de manière concrète. Trop de racistes qui souhaiteraient qu'on se crève. Entre négro et rebeu du même bled. Des MC de merde, qu'en à chaque mission. On n'a pas le même vécu, pas la même ambition. La qualité se remarque à la finition. Je rattrape que de la haute définition. C'est H-O-C-I-N-E le DZ. Rafale de CZ du DZ. Shit co. Kero, Beur, Braco, la France peut s'enfoncer toutes ses aides. Je suis trop vrai pour tes artifices. Beaucoup trop technique pour tes arrivistes. Ils font les miskines, mais j'ai cramé le vice. T'es pas mon père, je suis pas ton fils. Bien sûr qu'il n'y a que le top que je vise. Aux grosses billasses, moi je fais pas la bise. Mais je ralentis plutôt, puis je baisse la vitre. Et je leur propose de suck my dick. La roue va tourner, sa mère bessif. Gentiment ou de manière agressive. La calache est de retour pour récupérer son bif. La roue va tourner, sa mère bessif. Gentiment ou de manière agressive. Ritza est de retour pour faire la dure. Chaud, très chaud, très chaud, Ossine. Merci beaucoup de m'avoir invité en tout cas. Ossine, ouais. Moi je suis un grand fan de rap. Grosse dédicace. Et je pense que tous les rappeurs qui ont entendu ça, ils savent. Ils savent que Ossine il a. Dédicace à Cactus et Younes en direct de leur cellule. Yous Pepito, Yas, tous mes gars du 19e, 20e, 7780 Street. On est ensemble, les gars de Noisiel, Elams, Guy, Blacus, Guillotine Label, mes gars de Bruxelles, Zach, Tiu, Brahms, Dalsim, Nadir Nadin, Suren, All F, PDS 92. Metz, Borny, Nancy, Laxou, Mézières, Voipy, tous les gens qui me supportent, qui me suivent, Orléans, 45, Paris, 9-1, y a tout le monde, tout le 9-5, monde. 9-5, tout le monde, on dédicace tout le monde, Planète Rap. Et c'est vrai qu'aussi, bon, Fred Musa, on a connu le parcours, évidemment, avec 45 Ferroro, mais là, allez, jetez une oreille. D'ailleurs, on peut te suivre où aussi sur les réseaux sociaux. Sur ma page officielle sur Facebook, c'est Hussein Vraipage, H-O-C-I-N-E. Il y a plein de trucs qui arrivent. Vraipage. Pour aller follow et j'ai une chaîne YouTube. C'est simple, moi je suis pas sur les réseaux sociaux, je suis pas un gars des réseaux sociaux. Moi c'est YouTube, Facebook. C'est le terrain. Toi voilà. C'est le terrain. On est là, on est sur le terrain. Donc sinon vous cliquez aussi et il y a donc un projet que tu distribues. La calache toujours la calache. Disponible, on le distribue et puis on est là. Et puis on est là. Et ben merci d'avoir été là avec nous en tout cas ce merci soir. Merci à vous de m'avoir invité. Il faut pas oublier Love, l'album de Ritza toujours disponible. Il faut aller le chercher, c'est un très bon album. Ouais. Même si on n'est pas dans la même, même créneau rap, tout ça, mais je donne la force à mon gars Ritza. Faut donner la force à Ritza. On toute est dans la team, la calache, faut supporter ramené, Ritza. Je t'ai ramené un vrai rappeur dans un planète rap. Non, mais je connaissais un peu le pédigré du garçon. Merci chaud. En tout cas d'être passé ce soir aussi. Merci, on fait le tour de table. Merci Lilia d'être passé. Merci à vous. Donc on attend 21 juin, mais avant, il y aura quelque chose. Exactement, avant. Voilà. Un gros son funky, qui arrive. Produit par Christophe Després, celui qui a fait Les Démons de Minuit et plein d'autres sons. Assez, voilà. On a tapé sur. C'est bien, il est toujours là. Sur les anciens, mais. Et bon, on suivra ça. Un truc assez moderne. Du côté de Toulouse. Voilà. Et une petite dédicace à Dr Swag, une boutique et un partenaire vestimentaire. Ah bah après la bouffe, les fringues. Et voilà, la team Lilia, et voilà, à ma famille, à ma mère que j'aime beaucoup, mon père, Sofiane, Mitch, Rallo, Soso Elliot, Inès, Faiza et toute ma famille. Merci à toi Lilia merci d'avoir à vous, été avec merci nous. Merci à Ritza, merci à Skyrock. Farid Kider était là avec nous aussi. Farid, merci d'être passé. La merguez, grand boxeur. La merguez. Grand boxeur. Invité, merci à Ritza. Voilà. Bah, moi la boxe est finie. Hein. Ouais, maintenant, c'est la merguez, t'as bien compris. Maintenant One Man Show et le prochain c'est 22h30 au gymnase voilà, tous les samedis. Et le cinéma qui arrive, j'ai signé 3 films avec un grand producteur qui s'appelle Thomas Langman. Big up à lui. Grand bisou à mon petit Toto. Et puis je fais un gros concert dans le 45 au lac de Combreux avec Racine. Gros voyou du 9 du 4. On est ensemble mon gars. Voilà, Bigapa Amira, Eddy, Sofiane et Soraya. Dédicace non, notre la puissance. Chérie Sarah. Dédicace Soraya, à la marque Sombre aussi Lilou, qui sont là les gars. 69. Big up à vous. Et bien Gizzi, merci à vous tous. Juste Vince, avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. Skyrock t'offre les toutes premières places pour la tournée Maître Gims. Avec Manon de Marseille. Salut Manon. Oui. Comment ça va Manon? Je te présente Ritza, notre invité tous les soirs de la semaine, il est là. Salut Manon, ça va? Coucou. ça va en pleine forme, tu es prête à faire tourner la roulette, on y va? À la tomate. Allez, c'est parti, juste avant la radio libre de Default. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Bah voilà, Maître Gims en concert avec Skyrock, c'est pour toi, il y a deux places. Les deux premières places dans le sud, elles sont pour toi. Ah, je suis trop content. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, Manon. On va aller au soleil, on va voir Maître Gims. Ouais, tout va bien, tout va bien. Et bah, je te fais... Merci beaucoup, Skyrock. Je te fais des bisous, passe une bonne soirée. Merci, bonne soirée, dédicace ciao. À M.O. 2S, mon petit frère qui rappe aussi. Et bah le frangin qu'on dédicace aussi. Merci beaucoup, Skyrock. Hein. Bisous, bisous Manon. Bisous. Ciao, ciao, merci à vous tous. Riza, demain le rencard. Demain toujours là. À pas louper. On suivra, ouais, demain. Un petit peu avant 20h. On va inviter aussi encore. Et bah on loupera pas demain, et forcément on sera là avec l'album Love. Toujours. Merci à vous tous, on va retrouver D-Fool maintenant qui doit être là avec toute l'équipe. Oui, il y aura du Love aussi chez nous. Ouais, ah, salut tout le monde. Ça va quoi? Du Love et du foot ce soir aussi. Du foot, bah là, c'est parti. Et oui, à suivre. Chelsea PSG 0-0, Fred. 0-0, j'ai vu, mais il y a eu déjà une première belle action là dès les premières minutes. Et oui. Je pense que nous allons gagner. Eh bien, c'était la déclaration de Fred de Planète Rap ce soir. Le PSG, selon Fred, va gagner. Je pense que même que nous allons nous qualifier. Ah, dis-nous, c'est le PSG. Il a la main sur le cœur. C'est le PSG. Samy, on va gagner, Samy. Hein. Je sais pas, moi, dans le studio, il y a un mec qui a un survêt de Chelsea. Là. Moi, je suis de ce côté. C'est qui? Karim, il a retourné sa veste, gros. Karim? Non, j'ai rien retourné. Si, là, il est habillé tout en Chelsea. Ouais, c'est vrai, mais je suis pour le PSG, mais je le trouve pas mal. C'est le petit trait d'humour de Karim, supporter du PSG. La première fois qu'il met son survêt Chelsea, c'est le jour du match contre Chelsea. Portez chance. Peut-être. On verra ça tout à l'heure, on en parlera avec vous. Et puis on parle de tout ce que vous voulez dans un instant. C'est bien, c'est prestigieux de parler là-dessus. Hein. De t'en aller là-dessus, Fred, pas mal. Hein. J'adore. Ritza, la classe. Donc dans un instant, on se retrouve en direct. Vous nous appelez 01 53 40 30 20 dès maintenant. Et quelqu'un veut chanter, Cédric, un petit truc? Non, ça va aller. Bon, et bien tout de suite, on arrive avec. On va changer un peu de style, là, vous allez voir. C'est. Otis Genesis. I'm in love with the Coco à suivre dans un instant. C'est Otis Genesis, toute l'équipe qui est là, et la radio libre et le Planète Rap de demain. C'est à 20h à Paloupec avec Ritza. Demain, dit full, bonne soirée. Et bien à demain, salut. Allez, Paris. Salut Fred. Allez Paris. Ciao et c'est parti. Ciao.